Pardon, chère voisine, c'est moi. Ne grondez pas trop votre camériste. Elle m'a déclaré de son mieux que vous n'y étiez pour personne. Je lui ai fait observer qu'un propriétaire, ce n'était pas quelqu'un. Ce raisonnement l'a bouleversé. Maintenant, faut-il que je m'en retourne. Donc, vous êtes bien heureux que ce soit vous. Ce livre est donc bien intéressant. Oh, je n'en sais rien, je le coupe. Puisque vous êtes là, mon cher Lancy, vous m'aiderez à attendre. Car j'attends. Qui? Le carnaval? Mon Dieu, non, je ne me serais pas poudrée de si bonheur pour le bal, je vous prie de le croire. Alors, quel est donc ce mystère, n'est-ce pas? On m'a mis ce matin de l'eau athénienne et l'on m'a poudrée pour sécher mes cheveux. Êtes-vous satisfait? Oh, à propos, merci de votre bourriche. Vous êtes le roi des chasseurs, le modèle des propriétaires. Va pour le premier compliment, mais le second tombe mal. Oh, vous m'inquiétez, voudriez-vous m'augmenter par hasard? Puis encore, je viens vous signifier congé. Est-ce une plaisanterie? Oh, hélas! L'homme du monde ne se serait pas permis de forcer votre consigne, tant d'audace n'appartenait qu'à l'homme d'affaires. Et l'homme d'affaires ne pouvait-il attendre jusqu'à demain? Impossible. D'après notre contrat, nous devons nous avertir 6 mois d'avance. Or, le terme fatal expire aujourd'hui, et dès demain, vous entreriez de plein droit dans la seconde période de votre bail, ce qui me contrarierait prodigieusement. Eh bien, voilà parler en franc chasseur. En homme des bois, si vous voulez. Vous n'y allez pas par 4 chemins. Peut-être. Le peut-être est joli. Et peut-on savoir ce qui vous oblige à me congédier? Car vous avez une raison, je suppose. Excellente. Avez-vous le temps de m'écouter? Je l'aurai quand je devrais le prendre. J'avoue qu'il me sera agréable de vous trouver une bonne excuse, car je serais fâchée de vous rayer de mes papiers. C'est un long récit, je vous en préviens. Eh bien, faites-moi toujours le plus que vous pourrez. Quitte à remettre la suite à demain, sinon nous interrompt. Et je commence. Orphelin à 24 ans. Oh, votre biographie. Pourquoi sautez-vous par-dessus votre enfance? Oh, mais parbleu, si vous y tenez, je peux remonter de plus haut encore. À Beauvau, comme Tristan Chandy. D'autant mieux qu'il y a dans ma nativité, comme dans la sienne, une histoire de pendule. Oh, merci bien, alors. Ah, non, n'ayez pas peur. Non, ma mère m'a souvent raconté qu'elle avait dans sa chambre une ancienne horloge à carillon. Et qu'au moment où je vins au monde, cette horloge me souhaita la bienvenue en carillonnant joyeusement midi. Ce qui parut d'heureux augure à toute l'assistance. Et de fait, j'ai gardé de ma naissance un fond de bonne humeur dont la vie n'a pas encore pu triompher. Il est vrai que j'ai une santé athlétique. Mauvaise disposition pour la mélancolie. Mais excellente pour l'égoïsme. Prenez garde. Oh, ne croyez donc pas cela. Il n'y a de vraiment bon que les gens bien portants, égoïstes comme un malade. Vous devez en savoir quelque chose, vous qui avez si bien soigné fait votre mari. Oh, hélas. C'est vrai. À 24 ans, donc, maître d'une belle fortune, porteur d'un nom honorable... Vous empressiez d'écorner l'une... Et de compromettre l'autre, oh, que nenni. La passion de la chasse m'a préservé des passions ruineuses. J'ai toujours eu horreur des cartes. Et sans me donner pour un héros aussi chaste, à beaucoup près, que le farouche Hippolyte, je puis me vanter... Pas de détails, je vous en prie. Le strict nécessaire. Je puis me vanter d'avoir passé ma vie à la poursuite de la femme honnête. Je l'ai d'abord cherchée, comme tous les débutants, dans le camp des irrégulières, et j'ai payé un large tribut à la manie de la rédemption. Mais après avoir acheté pour quelques 100 000 francs d'anges déchus, je me suis aperçu que les vierges folles sont encore moins folles que vierges, si c'est possible, et que leur acheteur n'est pour elles qu'un acheteur plus naïf. C'est plein d'intérêt. Continuez. Désenchanté de ces aimables commerçantes, je portais le fruit de mes investigations dans le monde régulier. Ah, madame, pour un échappé des amours vénales, quelle ivresse dans la possession d'un cœur qui se donne en immolant tous ses devoirs. Le malheur, c'est que je finissais toujours par m'attacher davantage au mari, le trouvant incomparablement plus honnête que la femme, et je reconnaissais alors qu'il n'y a pas un abîme entre celle qui nous trompe pour un autre et celle qui trompe un autre pour nous. Sans compter que tous ces fameux devoirs dont on nous fait sonner si haut le sacrifice sont le plus souvent des victimes toutes préparées à l'autel. Je ne vous ennuie pas trop. Jamais trop, oh. Mais assez. Mais j'abrège donc. Le résultat de mes expériences fut cette vérité oubliée par Monsieur de la Palisse, que la seule façon qu'on ait d'avoir une femme honnête, c'est de l'épouser soi-même. Malheureusement, je n'avais plus l'âge de me marier les yeux fermés. Il ne me restait plus que le mariage de raison. Et c'est fièrement difficile, allez, de rencontrer une femme qu'on ait raison d'épouser. Mais à la fin, je crois avoir trouvé mon lot. Oh, tant mieux. À un moment, je ne suis pas encore agréé. Oh, mais vous le serez, mon ami, vous le serez. Il est impossible que vous ne le soyez pas, car vous êtes un homme charmant. Malgré ce vilain procédé, que nous perdons un peu de vue. Ah, mais au contraire, nous y arrivons. Comme garçon, je pouvais conserver mon entresol. Mais en montant d'un grade, il me faut aussi monter d'un étage. Je comprends. C'est Madame Delancy que vous voulez installer dans mon appartement. Vous l'avez dit. Je vous pardonne en faveur du motif. Je crois qu'il soit bien pénible de déménager. Je suis bête d'habitude et je me plaisais beaucoup, puis si je l'avoue. Eh bien, restez. Et Madame Delancy? Ah, elle n'y verra aucun inconvénient, pourvu que... Pourvu que? Pourvu que vous changiez de nom. Comment l'entendez-vous? En cessant de vous appeler Madame de Verlière pour vous appeler Madame... Madame Delancy. Je crois, Dieu me pardonne, que vous m'attendez une demande en mariage. Franchement, je le crois aussi. Par quel détour, juste au ciel. Et quand vous me reprochiez d'y aller par quatre chemins... Eh bien, je vous faisais tort de trois. Ah si, c'est moi qui ai l'insigne honneur de vous représenter le mariage de rêve. Oh, vous n'êtes pas poli. Oh, non, mais permettez, il s'agit de s'entendre sur les mots. Ce que le monde appelle un mariage de raison, c'est-à-dire un mariage où le cœur n'est pas plus consulté que les yeux. Où le plus souvent on prend une femme dont on ne voudrait pas pour maîtresse. Où l'on subit sa possession à condition qu'elle sera éternelle. Je l'appelle, moi, un mariage d'aliénés. Ah, bonheur. Votre phrase avait besoin de ce commentaire. Oh... Vous êtes un fier original. Et en quoi donc? Ah, d'abord en tout. Et puis, en votre façon de faire votre couple. Mais qu'en savez-vous, je ne vous l'ai jamais faite. Première originalité. Car aujourd'hui, vous demandez si singulièrement ma main. J'ai toutes les peines du monde à voir en vous. Un soupirant. Ah, parce que je ne soupire pas de mon naturel. Mais donnez-moi une bonne raison de soupirer, je m'en acquitterai tout comme un autre. Êtes-vous bien sûr que vous m'aimez? Sûr comme de mon existence. Oh, voilà un amour auquel je ne m'attendais guère. Moi non plus. Il n'y a pas un mois qu'on m'aurait bien étonné en me l'annonçant. Oh, comment? Comment cela vous est-il venu? Car enfin, je ne suis pas coquette. Ah non, certes. C'est cette cheminée qui est cause de tout le mal. Enfin, si mal il y a. Vraiment? Ben oui, je ne vous connaissais que de vue, ce qui est déjà quelque chose. Et je ne vous aurais jamais connu davantage, car votre deuil m'eût fermé votre porte comme à tout le monde. Si cette brave cheminée ne me l'eût ouverte en fumant. Oh, elle fume encore, par le vent d'est. Je vous en préviens. J'en prends note. À partir de ce jour-là, je ne rêvais plus que réparation. Oh. Rêve étrange chez un propriétaire et dont la bizarrerie aurait dû m'éclairer sur la pente où je glissais. Bref, de fil en aiguille et de fumiste en serrurier, je me suis retrouvé un beau jour installé dans votre intimité charmante, respectueusement ému par la simplicité de votre chagrin, pénétré du parfum de loyauté qu'on respire autour de vous et persuadé que je me livrais en toute innocence à la douceur de l'amitié la plus désintéressée. Comment et quand cette amitié s'est-elle changée en un sentiment plus vif, je ne saurais le dire. Et je serais sans doute encore en train de m'apercevoir de la métamorphose si l'on ne m'avait proposé, la semaine dernière, un parti des plus sortables. Tout s'y trouvait, rien à redire. Ajouter de ma part la résolution d'en finir avec le célibat, je devais accepter tout de suite. Mais à je ne sais quelle révolte de mon cœur, j'ai senti que ce cœur vous appartenait tout entier. Et voilà 8 jours que je tourne autour d'une déclaration avec une timidité digne d'un âge plus tendre. Enfin, l'opération est faite et je vous avoue que je n'en suis pas fâché. Mon pauvre ami, j'ai pour vous une véritable affection. Vous êtes l'homme le plus charmant que je connaisse. Mauvais début. J'ai été dupe de votre amitié, comme vous-même. Et j'ai la conscience de n'avoir rien fait pour encourager les sentiments dont il ne peut vous revenir que des ennuis. Non, je ne vous plais pas, ça. Je m'en doutais. Ah, j'aurais mieux fait de me taire. Enfin, prenez que je n'ai rien dit. Et gardez-moi toujours ma place auprès de cette cheminée qui fume. Mais vous y serez le bienvenu, tant que vous consentirez à l'occuper. Toujours alors. Même si je me remariais. Non, par exemple, mais vous n'y songez pas, je suppose. Si j'y songeais. Non, ne dites pas cela. Oui, pour que vous le sachiez un jour ou l'autre. Est-ce que vraiment. Mais non. Je n'ai jamais rien vu chez vous qui ressemble à un prétendant. Chez moi, non. Mais ne vous ai-je pas dit que j'attendais quelqu'un, aujourd'hui? Ah, je tombe bien. Ah, ça, je m'attendais à tout, excepté à cela. Oh non, ne prenez pas cet air désespéré. Vous avez de mon cœur tout ce qu'il en restait à prendre, je vous le jure. Je n'aurais pas grande objection à votre demande si je n'aimais personne. Enfin, puis-je vous dire mieux? Mais à quoi bon ce baume sur mon amour-propre? Ce n'est pas lui qui en a besoin. J'aimerais 100 fois mieux carrément vous déplaire et que personne d'autre ne vous plût. Vous auriez mieux fait de garder votre secret si vous croyez me consoler. Je crois vous guérir. En pareille matière, il n'y a rien de tel que de trancher dans le vif. Me guérir? Mensonge de médecin, alors, mais suis-je simple? Mais j'aurais dû le deviner rien qu'à votre coiffure. Oh non, mais je vous certifie que Que vous attendez un absent bien-aimé. Vous auriez précisément choisi le jour de son arrivée pour vous enfariner les cheveux. Oh, permettez-moi de vous raconter à mon tour une petite histoire. Oh, et deux maintenant, si vous voulez. Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une belle peur. Vous connaissez Madame de Valincourt? Ah, très bien, son mari est un de mes bons amis. Bien, après 3 ans de mariage, vous le savez, cette charmante petite femme eut une fièvre typhoïde. Dont elle sortit avec des cheveux blancs. Eh bien? Eh bien, son mari l'adorait. Tant qu'elle était en danger, c'était un désespoir, à croire qu'il ne lui survivrait pas. Elle revient à la vie par miracle. Ses cheveux blanchissent. Ses cheveux blanchissent. Et depuis, monsieur passe toutes ses nuits au cercle. Hein? Qu'en dites-vous? Dame. Comment ça, dame? Vous l'excusez? Jusqu'à un certain point, oui. Comment? Voilà un garçon qui sauve du trépas une brune adorable et on lui rend une ridis poivre et sel. Il y a eu évidemment substitution sur la personne. C'est la seule cause de nullité que reconnaisse le code. Ne soyons pas plus sévères que lui. Mais comme vous êtes tous les mêmes, soyez donc bonnes, intelligentes, sincères. Évertuez-vous à vous rendre digne de votre maître futur. Préparez-lui une compagne dévouée, un gardien fidèle de son honneur. Ah, pauvre sotte. Mais rien de tout cela qu'il touche. C'est la nuance de vos cheveux, la courbe de votre nez. Devenez coquette, frivole et égoïste, son amour n'en diminuera pas, bien au contraire. Gardez-vous d'un cheveu blanc ou d'un grain de petite vérole, car tout votre bonheur s'écroulerait et votre mari vous dirait bien tranquillement « Oh, j'en suis fâchée, il y a substitution de personne. Et vous, que j'avais la naïveté de plaindre tout mais, à l'heure. » Mais permettez, il s'agit de monsieur de Valincourt, que vous excusez, que vous approuvez, que vous imiteriez le pas des champs, mais ayez le courage de votre opinion. Non, tâchons de nous entendre. Est-ce à monsieur de Valincourt que vous faites ce procès ou à moi? Mais à vous, à lui, à votre sexe tout entier, à cette humiliante façon d'aimer qui nous met au rang des animaux de luxe, un peu avant les chevaux de sang, les chiens de race. Est-ce clair? Oh, très clair. Ça, toute femme qui se pique de délicatesse s'indigne d'être aimée pour sa beauté. Elle ne veut l'être que pour son âme. C'est connu. Prétention bien ridicule, n'est-ce pas? Mais je ne dis pas cela, mais que voulez-vous? L'homme est un être grossier à qui l'amour vient par les yeux. Mais c'est ce que je lui reproche. C'est pourtant là une loi de nature à laquelle les deux sexes sont soumis, le vôtre comme le nôtre, malgré toute prétention contraire. Oh, que la famille! Non, mais enfin, voyons, madame, la main sur la conscience. Si vous aimiez quelqu'un et que ce quelqu'un vous arriva un jour, borgne ou manchot, est-ce que ce dégât ne jetterait pas un peu d'eau froide sur votre exaltation? Mais que vous connaissez mal les femmes, mon pauvre ami. Mais quand nous aimons un homme, sachez que nous ne le voyons qu'à travers son intelligence ou son cœur. À peine savons-nous s'il est blond ou brun. Et devant ce dégât que vous dites, eh bien, mais nous redoublons de tendresse pour le rassurer, pour le consoler. Pendant 8 jours? Non, pendant toute la vie. Oh, en vérité, j'aimerais vous voir à cette épreuve-là. J'étais sûre qu'il triomphera de celle que je lui prépare. Qui? Eh bien, mais celui que j'attends. Ah, parce que vous persistez à soutenir que vous attendez quelqu'un. Oh, mais ce n'est pas pour autre chose que je suis enfarinée. Je vais lui raconter que j'ai blanchi en son absence. Que je suis réduite à me poudrer pour ne pas étaler des cheveux. Oh. Comment disiez-vous tout à l'heure, poivre et... Et sel. et celle. Si je vois dans ses yeux la moindre hésitation, alors tout est rompu. En êtes-vous sûr? Je vous en fais serment. Oh, alors permettez-moi de ne pas désespérer encore. La rupture ne serait pas à votre profit. Car je renoncerai au monde et m'y présenterai à Verlières. N'avez-vous pas quelques caveaux d'amis à Verlières? Oh non, ne plaisantez non, pas, mon ami. Quand je songe aujourd'hui que je vais jouer... Mais pourquoi le jouer, alors? Pourquoi Psyché a-t-elle allumé sa lampe, alors? Ah, fidèle. Me permettrez-vous, madame, si j'en ai le courage, de revenir tout à l'heure voir le résultat de cette entrevue? Car je tiens à conserver les liens de l'amitié, si je n'en puis avoir d'autres. Oh. Oh, mais voilà de bonnes paroles. Bon, je me souviendrai, quoi qu'il arrive. Oh, merci, mon ami. Madame, monsieur de Mauléon est là. Monsieur de Mauléon? C'est bien. J'y vais. C'était donc lui? Mais que ne le disiez-vous d'abord, je me serais retiré sans souffler mot. Pourquoi devant lui plutôt que devant un autre? Est-ce que vous le connaissez? À peine. Je sais seulement qu'il a été consul pendant 2 ans quelque part dans l'Inde. Oui, bien. Or, comme vous n'êtes veuve que depuis 14 mois... Je l'aimais du vivant de mon mari. Est-ce là ce que vous voulez dire? Oubliez mon importunité, madame, et croyez que je suis toujours votre humble serviteur. Monsieur de Lancy! Je ne peux pourtant pas vous laisser croire ce qui n'est pas. Je tiens trop à votre estime. Vous êtes trop bonne, madame, mais on vous attend. En 2 mois, c'est moi qui ai demandé au ministre la nomination de monsieur de Mauléon. Pour éloigner un danger avec lequel une honnête femme ne doit pas jouer. Oh, le triple butor, mais... Vous avez raison de ne pas m'aimer, je ne vous mérite pas. Je vous ai offensé bêtement. Oh oui! Mais vous ne m'avez pas déplu. Votre mouvement, du moins, était peu banal et... Il prouve que mon honneur vous tient au cœur. Votre bonheur aussi, madame, soyez-en sûre. Mais je n'en doute pas. Alors, permettez-moi cette question. Savez-vous qu'à peine installé dans son consulat, monsieur de Mauléon a recherché la fille d'un riche négociant? Je le sais. Et après? Puisque vous le savez, je n'ai plus rien à dire. Je n'étais pas libre, alors. Fallait-il que M. de Mauléon sacrifia toute sa vie à un amour sans espoir? Il n'a pas de fortune. Le mariage fait partie de sa carrière. Je suis bien sûre qu'il n'aurait pas manqué celui dont vous parlez. S'il n'y avait apporté la nonchalance d'un cœur endolori. Là, vous avez des indulgences que je ne m'explique guère. Et vous, des sévérités que je m'explique trop bien. Non, mais je suis suspect de partialité, je l'avoue. Ah, je donnerais gros pour être votre frère ou votre oncle pendant quelques instants. Mais seulement voilà, vous ne l'êtes pas. Aussi, je me tais. Adieu, madame, soyez heureuse. Non, moi, je veux que vous parliez. Mais enfin, que signifient ces réticences à propos d'un homme que vous connaissez à peine? À peine, mais à fond. J'ai été le témoin d'un de ses adversaires dans un duel qui s'est arrangé sur le terrain, et croyez-moi, ce n'est pas nous qui avons mis les pouces. Témoin de monsieur de Saint-Jean. Comment, vous connaissez aussi cette affaire-là? Ah, mais parfaitement. Tous les torts étaient du côté de monsieur de Mauléon, il n'en voulait pas convenir. Et c'est moi seule qui ai obtenu de lui qu'il fît des excuses sur le terrain. Ce n'est pas la moindre marque d'amour qu'il m'ait donnée. J'en ai été si touchée que j'ai senti... le moment de l'éloigner. Ah, vous n'êtes pas heureux dans vos attaques, mon cher Lancy. Vous avez raison, je le fais attendre. Adieu. Elle l'aime aveuglément, c'est clair. Et voici ce qui va se passer. Au premier mot de l'ingénieuse épreuve, le galant fait la grimace. Et la pauvre femme s'écrie en tremblant. Rassurez-vous, ils sont toujours noirs comme du jais. Alors, qu'est-ce que j'attends ici? Leur billet de faire part? Quel semblant d'espoir me cloue à cette place. Ah, qu'on a de peine à se tenir pour battu. C'est vrai que cette cheminée fume encore. Oh, du diable si je la fais réparer. C'est bon pour ce favori des dames. D'autant que c'est ici qu'il installa probablement son fumoir. Juste au-dessus du mien. J'entendrai toute la journée le bruit insolent de ses bottes. Les planchers sont si minces dans ces satanées maisons neuves. Mais j'y pense. Les deux appartements ont exactement la même distribution. Et elle a encore celui-ci pour 6 mois. Je vais avoir toute sa lune de miel sur la tête. Un supplice de Tantale très perfectionné. Je n'ai qu'un parti à prendre, c'est de passer ces 6 mois-là dans mes terres. Pour une fois que je trouve une femme qui me convainc, il faut qu'elle en aime un autre. Toujours pareil. Bah ! Je renonce au mariage. Ah, les femmes. Et dire qu'elle me préfère à un pareil... un pareil quoi? Hein? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être pour un brave à 3 poils, voilà tout. Non, décidément, le récit de Madame de Verlière change bien les choses. Allons, Lancy. Aie le courage de t'avouer la vérité. Tu as dénigré Mauléon par pur dépit. Eh bien, c'est pitoyable ce que tu as fait là. Ce n'est pas d'un homme d'esprit. Tu t'en moques bien, mais ce n'est pas d'un galant homme. Et tu ne t'en moques pas. Et voilà une jolie campagne, mon bon ami. Tu en sors plus mécontent encore de toi que des autres. Et va t'installer dans tes bois avec tes chiens et n'en bouge plus. Oh. Cet air pensif. Déjà. Est-ce que par hasard, monsieur de Mauléon... Non, au contraire. Il était parfait. Pas la moindre hésitation. Il trouve même que les cheveux blancs me vont plutôt mieux. Et c'est pour cette raison qu'il a si vite pris congé? C'est moi qui l'ai prié de me laisser un peu à moi-même. Il viendra prendre le thé ce soir. Mais après une matinée si remplie, j'avais besoin de rassembler mes pensées. Je suis bien aise de vous retrouver là. Et moi, je veux bien être pendue si je sais ce que j'y fais. Adieu, madame. Je ne vous renvoie pas, au contraire. Votre triomphe serait-il incomplet si je n'y assistais pas? Mon triomphe? Mais oui, je devrais être au comble de mes voeux. Pourtant, je suis presque triste. Une grande joie est aussi accablante, dit-on, qu'une grande douleur. Oh non, non, non, non, ce n'est pas cela. Mais c'est votre faute. À moi? Mais oui, tout ce que vous m'avez dit au sujet de monsieur de Mauléon me revient, me trouble. Mais je suis encore plus troublée que vous, madame. Et quand vous êtes rentrée, j'étais en train de faire mon examen de conscience. Oh. Et de me reprocher la légèreté de mes accusations. Remettez-moi à l'esprit, vous me rendrez un vrai service. Asseyez-vous. Je fais trop de cas de vous pour estimer en toute sécurité un homme qui n'aurait pas toute votre estime. Ah, je n'ai aucune raison de la refuser à monsieur de Mauléon. Ah, je respire. Ainsi, ce mariage dans l'Inde... Mais vous le disiez vous-même. Non, il ne s'agit pas de ce que j'ai pu dire, mais de ce que vous pensez. Déclarez-moi seulement que vous auriez agi comme monsieur de Mauléon, ça me suffira. J'aurais agi comme lui. Au bout de 3 mois. Oh, mais le temps ne fait rien à... Ah non, mais pardonnez-moi. De 2 choses l'une. Ou monsieur de Mauléon m'avait oublié trop vite, ce qui serait vraiment peu chevaleresque. Sans retour pour le contraire. Ou bien, ce qui serait moins chevaleresque encore. Il offrait à une jeune fille un cœur tout plein d'une autre. Ce n'est pas à vous de le lui reprocher. D'ailleurs, le courage lui a manqué au dernier moment, puisque le mariage n'a pas eu lieu. Ah oui. Oui, mais est-ce bien lui qui a reculé? Ah, oh, pour reculer? Oh, il est bon là, n'est-ce pas? Ah non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Au contraire, et c'est le point sur lequel j'ai le plus à cœur de lui rendre satisfaction. En façon de duel, vous avez pourtant laissé une pauvre idée de lui. Parce que j'ignorais qu'il agissait par vos ordres. Mais diantre, maintenant, c'est différent et je suis tout à fait de votre avis. Eh bien, j'en suis charmée. Ainsi, si je vous ordonnais de faire des excuses sur le terrain, vous en feriez? Oh, certainement. Et vous exposeriez-vous à recevoir de pareils ordres? Viendriez-vous la veille d'un duel me dire que vous vous battez? Pardonnez-moi, madame, je voudrais m'en aller. Non, répondez-moi, je vous en prie. Monsieur de Mauléon a eu la langue un peu légère, j'en conviens. Il voulait peut-être se parer à vos yeux du danger qu'il allait courir. Ce n'est pas un crime. Mais je ne puis admettre qu'il cherchât un biais pour s'y soustraire. Enfin, il devait prévoir ce qui arriverait. Eh bien, il voulait sans doute aller peut-être au-devant du plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire à une femme. Non, il y a des gens comme ça, dont la passion recherche les cilices. Le croyez-vous aussi passionné? Oh, certainement, et vous venez de le soumettre à une épreuve concluante. Concluante? À vous trouver? Sans doute. Mais enfin, tâchez-le d'avoir une opinion un peu à vous, mon pauvre Landy. Mais vous tournez comme une girouette. Mais où voyez-vous cela? Enfin, est-ce votre avis, oui ou non, que les hommes ont une façon d'aimer, bien différente de la nôtre, j'en conviens, mais qu'ils n'en ont qu'une? Vous savez, moi, je suis un brutal. Oui, tous les hommes le sont plus ou moins. Et s'ils n'ont en effet qu'une façon d'aimer, et si Monsieur de Mauléon ne m'aime pas de cette façon-là, eh bien alors, il ne m'aime pas du tout. Enfin, soyez logique. Vous allez un peu vite en besogne. Et puis, n'est-ce pas une chose bien surprenante que cette parfaite indifférence, comment dirais-je? Votre beauté. Eh oui. Car enfin, si j'ai quelque chose de passable, c'est ma chevelure. On dirait qu'il ne s'en est jamais aperçu. Il aime votre âme. Ah non, ne plaisantez pas, mon ami. Et s'il ne m'aime pas, en effet, alors... Et quelle horrible supposition, je suis réduite. Laquelle? Décidément, vous ne voulez rien comprendre aujourd'hui. Enfin, ne vous ai-je pas dit tout à l'heure qu'il était sans fortune? Oh non, vous lui faites injure. Oh, mon Dieu, mais toutes mes idées se brouillent. Qui me tirera d'anxiété? Oh, mon cher Lancy. Vous regrettiez tout à l'heure de n'être pas mon frère, supposé que vous l'êtes. Et donnez-moi un conseil, je vous en prie. Mon conseil serait trop intéressant. Oh non! Vous êtes la loyauté même. Je le suivrai aveuglément. Je vous conseille de m'épouser. C'est pas ce que je vous demande. Et c'est pourtant tout ce que je peux vous dire. En votre âme et conscience, croyez-vous qu'il m'aime? Je vous aime trop moi-même pour en douter. Eh bien, s'il m'aime... Tant pis pour lui. Je ne l'épouserai pas. Je suis désolée de vous contrarier. Il est vrai? Ah, je suis le plus heureux des hommes. Vous avez tort, mon cher Lancy. Je ne vous épouserai pas davantage. Le veuvage ne me pèse pas à ce point. Si vous voulez rester mon ami, bien. Sinon... Ah non, mais je le veux, c'est déjà une commutation de peine. Mais si je ne suis pour rien dans ce revirement inespéré, qu'est-ce donc que vous a fait Mauléon? Je vous ai tout dit. Tout? Il n'y a pas de post-scriptum? Les femmes en ont toujours un. Pas l'ombre. Oh, maintenant, comment faire pour me dégager? Je ne fais pas appel à vous, car vous êtes détestable aujourd'hui. Une femme a toujours le droit de reprendre sa parole. Je ne lui ai jamais donné la mienne. Pas même tout à l'heure? Non. Je ne sais par quelle prudence instinctive j'ai éludé sur ce point. Rien de plus simple, il vient prendre le thé ici ce soir. Oui, je voudrais bien qu'il ne vînt pas. Alors écrivez-lui. Je lui ai trop écrit. Moi, il a des lettres de vous. Oui, pas beaucoup. Pas bien compromettantes, vous pourriez les lire. Des lettres de veuve. Enfin, des lettres. Ah. Renvoyez-lui les siennes, il vous renverra les vôtres. Et s'il ne les renvoie pas? Et n'avez-vous pas quelque ami qui pourrait se charger volontiers de la négociation? Je crois qu'avec un peu de diplomatie... Mais que vous me faites l'effet d'un pauvre diplomate, mon ami. Vous ne me connaissez pas. Bien, comment vous y prendriez-vous? Oh, je lui dirais... Monsieur, voici vos lettres à Madame de Verrières. Je suis chargé de lui rapporter les siennes. Oh oui. Oui, oui, regardez-le avec ces yeux-là. Il n'y aura rien à répliquer. Voici sa correspondance. Ah, où demeure-t-il? Oh, il m'a laissé sa carte. Quand vous reverrai-je? Voulez-vous prendre le thé avec moi? Oh, volontiers. Le thé de Monsieur de Mauléon, c'est déjà un avancement. Oh, tenez, j'oubliais ce médaillon. Joignez-le au reste. Un portrait? Ah non, des cheveux. Il s'était avisé de m'envoyer de là-bas. Je pense qu'il ne sera pas fâché de les retrouver ici. Est-ce qu'il n'en a plus? Chaud, comme la main. Voilà le post-scriptum.